Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'être avec nous dans cette édition dont voici les grands titres. Les élèves de l'Institut technique de l'enseignement médical ITEM et de la mairie de Bujumbura se plaignent des sommes d'argent qu'ils payent. 70 000 francs beaux pour le retrait de leur diplôme et 100 000 francs beaux pour les jurys de délibération. La représentation locale de cette école a ses explications. Reportage dans ce journal. Le Burundi abrite depuis ce samedi les jeux militaires et culturels des pays de l'EAC. L'ouverture officielle a eu lieu ce matin au stade Prince du Gagasore. Nous aurons des précisions du colonel Gaspar Baratuza, porte-parole burundais des forces de défense nationale. La Société régionale de développement de Limbo, SRDI, n'a pas pu couvrir la production rizicole prévue pour la saison culturelle A et n'a eu que 22 000 tonnes alors qu'elle attendait 25 000. Et cela à cause de la carence d'eau et d'une maladie qui attaquait le riz. La population demande à cette société de diversifier les semences et de disponibiliser les produits phytosanitaires à temps. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. À la présentation, vous êtes avec Didier Nyonzima. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Encore une fois, bienvenue dans cette édition pour commencer page sécurité. Un jeune homme est mort noyé dans la petite matinée de ce samedi dans une zone de débordement des eaux de la rivière Louvobo au cœur de la réserve naturelle de la Louvobo. Le garde-parc indique que l'homme en question était en train de pêcher dans la zone interdite et aurait été incapable de se sauver car il souffrirait de l'épilepsie. Les mêmes garde-parcs invitent la population à ne pas fréquenter ces zones interdites pour se prévenir contre de tels accidents. Je vous le disais dans les titres, le Burundi a accueilli la 11e édition des Jeux militaires et culturels des pays de l'EAC. Ces Jeux ont débuté ce samedi au stade Prince du Gagasore. Les pays participants sont le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud qui est représenté par des observateurs. Le Rwanda s'étant absenté. Ces Jeux vont durer 2 semaines. Suivez le colonel Gaspar Baratuza, porte-parole de la Force de défense nationale burundaise. Les premiers ont eu lieu en 2011. Alors, les pays qui y ont répondu, présents, et qui ont préparé aussi ce jeu sont au nombre de 4 et le 5e qui vient comme observateur, puisque c'est la première fois. Il est nouveau, c'est le Sud-Soudan, il est venu comme observateur. Il y a le Burundi qui est pays d'accueil, pays hôte, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda. Ce sont ces pays qui vont faire des compétitions, mais aussi faire des différentes démonstrations sur les différents terrains qui ont été choisis. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que les jeux qui ont été choisis, il y a entre autres le football masculin qui va se jouer ici au stade de Prince Edward Gasore, il y a le basketball masculin qui va se jouer au terrain dans le domaine de l'ex-Bataillon Para. Il y a le volleyball féminin qui va se jouer au parquet. Il y a aussi le netball féminin, nouveau jeu depuis 2011 ici chez nous, qui va se jouer à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM en sigle, mais aussi le cross-country, 12 km pour les hommes et 8 km pour les femmes, qui va se jouer aussi dans les enceintes de l'ex-bataillon Para le 2 septembre 2017. À partir de 9h. Les jeux culturels ont été organisés. Aujourd'hui, il y aura des démonstrations ici au stade à l'ouverture, mais aussi à la clôture de ces festivités qui ont lieu le 5. Alors, il y aura des numéros culturels de chaque pays membre qui vont être joués par des équipes qui ont été préparées ici chez nous en collaboration avec les ressortissants de ces pays. C'était colonel Gaspar Ibaratuza, porte-parole de la FDN. L'association Radio Sans Frontières, propriétaire de la Bonécha FM, s'est dotée depuis ce samedi de nouveaux organes et un nouveau directeur de la radio en la personne de Léo Massengo. Déo Bizindavi, le représentant légal entrant de la RSF, indique que l'assemblée extraordinaire de ce samedi visait un remplacement des organes qui avaient terminé leur mandat. Pour lui, se doter de nouveaux organes après plus de 2 ans de fermeture de la radio est un point important pour négocier la réouverture. On l'écoute. L'Assemblée extraordinaire d'aujourd'hui s'est tenue dégrièrement. Il s'agissait seulement de procéder au remplacement du comité sortant qui avait terminé son mandat. Aujourd'hui, il y a de nouveaux organes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle force pour aider à ce que la radio émette encore? Doter de l'association des organes est un point important pour la réouverture de la radio. Nous avons aujourd'hui nommé le directeur de la radio pour que tout le monde se mette à l'œuvre en vue de la réouverture de la radio Bonnèche. Nous avons l'espoir que la radio va ouvrir, parce que vous avez entendu certaines autorités dire que la radio Bonnèche n'a pas de dossier en justice, que la radio Bonnèche peut ouvrir. Maintenant, alors que nous avons le comité exécutif de la radio, que nous avons le directeur de la radio, nous pensons que des préparatifs pourront commencer et aboutir à une réouverture. Vous savez que la radio Bonnèche FM était indépendante. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y aurait une main invisible quelque part de la part du gouvernement pour négocier la réouverture de la Bonnèche FM? Aucune main invisible qui aurait conduit à la tenue de cette assemblée, sauf la volonté des membres de l'association de se doter des organes, vu que les autres organes avaient terminé leur mandat. En tant que représentant légal d'une association propriétaire de Bonnèche FM, est-ce qu'il y aura un message d'apaisement à l'endroit des auditeurs de la radio Bonnèche FM? Il est trop tôt pour le dire, mais comme je l'avais déjà dit, nous avons espoir. Parce que certains rapports ont révélé que la radio n'a pas de dossier en justice. Donc, nous pensons que les autorités habilitées vont faire en sorte que la radio ouvre pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de nos auditeurs, pour l'intérêt même du personnel de la radio qui est aujourd'hui composé de plus de 50 personnes, mais qui se trouve maintenant sans emploi. Il y a vraiment nécessité que la radio puisse travailler comme avant et nous nous engageons à travailler professionnellement dans l'intérêt général de tous. C'était Deo Bizindavi, le représentant légal en train de l'association Radio Sans Frontières, propriétaire de la Bonnèche FM. À présent, page éducation, plus de 160 élèves de l'Institut technique de l'enseignement médical ITEM, situé à mairie de Bujumbura, se plaignent du fait qu'ils sont obligés de payer 70 000 francs beaux afin de retirer leur diplôme. Et de son côté, Aloïse Ewalichako, représentant légal de cet institut, explique son mandat par la montée des prix sur le marché. Autre grogne de ses élèves, c'est une somme de 100 000 francs beaux que chaque élève paye pour le jury de délibération. Le point avec Mireille Kanyang. Ces élèves disent ne pas comprendre pourquoi ils doivent payer les 70 000 francs chacun pour retirer leur diplôme. Un problème qui nous tient à que la direction nous demande de payer 70 000 francs pour que nous puissions retirer notre diplôme. L'ordonnance ministérielle dit qu'il est conditionné par aucun paiement pour que nous puissions retirer notre diplôme. Sur ce, Aloïse Ewalichako, représentant légal de cet institut, précise que la hausse est due à la fluctuation du marché. Cette somme est en augmentant de 10 000 francs jusqu'à 70 000 francs. Ce qui l'année passée, c'était 50 000 francs. Mais maintenant, nous avons décidé 70 000 francs parce que les choses, comme vous le voyez sur le marché, les prix ont grimpé. Et c'est la raison pour laquelle la somme a été fixée à 70 000 francs. Pourquoi? L'école dépense beaucoup de choses à la fin de l'année liées justement aux travaux de fin d'études. Et puis, même si ce n'est pas une ordonnance ministérielle, je crois que c'est une lettre du ministère de l'Éducation qui est sortie, je crois, au mois de juin 2017. Alors, vous savez qu'en matière d'éducation, les normes, les règles qui doivent conduire les écoles, normalement, doivent sortir tout au début de l'année, avant la rentrée scolaire, avant le commencement de l'année, pour que toutes les écoles, toutes les autorités scolaires, tous les élèves, tous les parents soient au courant de ce qui va se passer lors de cette année. Cette somme résulte-t-elle d'un consensus avec les parents d'élèves? Non, dit M. Ewalichako. Non, vous savez qu'avec la situation qui prévaut maintenant, il y a le comité qui était là, qui n'a pas pu faire la mise en place avec l'autre comité. Donc, nous comptons faire un nouveau comité avec l'année prochaine. Mais quand même, la direction, les autorités scolaires se sont mises ensemble pour décider de cela. Avec l'année prochaine, je crois qu'on va mettre en place, justement, comme les années passées, un comité avec qui nous allons travailler ensemble. Autre grogne de ces 164 élèves sont relatives à un paiement de 40 000 francs burundais chacun ces deux dernières années pour apprendre le cours d'informatique, un cours qui n'a jamais été dispensé, disent-ils. Faux, rétorque le représentant légal de l'ITEM. Les frais du jury payés par ces élèves à hauteur de 100 000 francs burundais constituent l'autre pomme de discorde avec les responsables de cette école. Autre chose, c'est les frais du jury. Nous avons payé 100 000 francs par élève par là. Nous avons payé 100 000 francs par élève. Nous sommes au nombre de 164, ce qui fait 16 400 000 francs. et nous réclamons qu'il nous explique la finalité des 4 millions. À cette inquiétude, Aloïse Barichako, représentant légal de cet institut, explique que les membres du jury, une équipe envoyée par le ministère de la Santé publique, a exigé 615 000 francs chacun, une somme qui n'était pas prévue. Et en ce qui concerne le jury, on est passé de 50 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs l'année passée. Aujourd'hui, nous avons payé 615 000 francs aux membres de jury. Mais j'ai entendu qu'il y a des écoles qui vont payer plus de 615 000 francs, je crois 900 000 francs. Donc vous comprenez que c'est un paiement double. Ces élèves réclament de la lumière sur toutes ces inquiétudes. Vous n'avez pas 800 000 euros ? Vous ratez l'essentiel. À présent, direction province de Lumongue, où plus de 4700 enfants orphelins vulnérables de la commune et province de Lumongue ne sont pas enregistrés à l'état civil. Ces chiffres ont été communiqués par des associations encadrées par Hervé Samad Burundi dans cette commune telle qu'elle est présentée ce vendredi à Lumongue. Il a Dukunda Gordien, chargé des programmes à Hervé Samad Burundi, a plaidé pour l'enregistrement de ses enfants sans exiger une amende en remettant au service de l'état civil de Lumongue 12 registres en contrepartie. Le conseiller économique du gouverneur de Lumongue a référé cette question au service de l'état civil pour la vider. On reste à Lumongue où une deuxième radio communautaire verra bientôt le jour en province Lumongue après Isel FM qui émet depuis Lumongue il y a une année. Le lancement officiel des travaux de construction des bâtiments qui vont abriter la radio Magara Times FM ont eu lieu ce samedi sur la colline Rubura en commune Bugarama. Le directeur de ce médium dit que ce n'est pas une radio de trop, mais plutôt une façon de favoriser le pluralisme et la diversité des émissions. Vous n'avez pas 800 000 euros, vous ratez l'essentiel. Et à présent, page agriculture où la production rizicole obtenue par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, a été de 22 000 tonnes au moment où les prévisions étaient évaluées à 25 000 tonnes au cours de la saison culturale A. Les causes de cette perte sont notamment liées au manque d'eau pour l'irrigation ainsi qu'une maladie qui attaquait cette plante selon le responsable de cette société. Les riziculteurs demandent à cette société de diversifier les semences et de disponibiliser les produits phytosanitaires à temps. Les détails avec notre correspondante Spes Caritas Cabagnana. La production rizicole qui était attendue à la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, était de 25 000 tonnes pour la saison culturelle A, selon les responsables de cette société. Mais une chute de près de 3 000 tonnes s'est faite enregistrer, ce qui signifie que la production a été de 22 000 tonnes 600 kg. Les causes de cette perte sont notamment liées au manque d'eau, un problème qui devient de plus en plus un casse-tête pour les utilisateurs, ainsi que la maladie appelée la pilariose qui a attaqué le riz, selon Jean Kennedy Samaniro, directeur chargé de l'encadrement à la SRDI. Les problèmes principaux que je peux citer, que nous avons à enregistrer, c'est l'insuffisance de l'eau. L'insuffisance de l'eau et la présence de l'eau, de la maladie qui est principale pour le riz, qu'on appelle la pilariose. Les riziculteurs demandent donc à cette société de diversifier les types de semences pour la saison culturelle prochaine afin de voir s'il y aurait des semences plus résistantes aux maladies. Ils demandent également à la SRDI de disponibiliser à temps les produits phytosanitaires afin de faire face aux maladies éventuelles. Spes Caritas Cabagnana, Bouanza, Radio Isanga. Merci Spes Caritas Cabagnana. Présent direction Rutana et Makamba, les maladies tropicales négligées comme la bilariose, les intestés et l'oncocercose existent encore dans certaines communes des provinces de Rutana et Makamba. Selon Élisée Ndaïzeye, superviseur du programme national de lutte contre ces maladies, ces dernières comme l'oncocercose peuvent guérir et être prévenues. Il appelle la population de ces provinces à répondre massivement à la campagne de distribution des médicaments dits Mektiza. Suivez-les au micro de Placide Niomungere. Ce sont des maladies comme l'oncocercose se trouve dans ces maladies tropicales négligées. Et c'est une maladie qui est transmise par une simili qu'on appelle Oncocerca volvulis. Cette simili, s'il pique une personne malade, il transmet l'oncocercose à une personne qui n'est pas malade. C'est une maladie qui a des signes visibles physiquement. Si l'individu est déjà malade, Socrate jusqu'à même prendre le couteau. Il y a d'autres signes qu'on trouve sur la peau, comme la peau de léopard. Il y a aussi des pigmentations sur la peau, similaires à celles des grenouilles. Comment se fait le traitement? Le traitement se fait par l'ivermectine, mectisan. C'est un médicament qu'on appelle mectisan. La maladie, on la prévient aussi par ce même médicament. On fait le traitement de masse en même temps pour prévenir ceux qui n'ont pas encore attrapé la maladie, en même temps pour traiter celui qui est déjà malade. Y aurait-il des stratégies qui ont été mises en place pour éradiquer de telles maladies? Nous donnons des médicaments pour traiter, en même temps pour prévenir. Nous demandons à la population, quand la campagne commence, de répondre massivement. Même ceux qui se disent qu'ils ne sont pas malades, qui se présentent pour suivre ce traitement. C'est par ici que nous terminons ce journal, mais avant de mettre un point final, on vous rappelle que les élèves de l'Institut technique de l'enseignement médical ITEM et de la mairie de Bujumbura se plaignent des sommes d'argent qu'ils payent, 70 000 francs bout pour le retrait de leur diplôme et 100 000 francs bout pour les jurys de délibération. Le Burundi abrite depuis ce samedi les Jeux militaires et culturels des pays de l'EAC. L'ouverture officielle a eu ce matin au stade Prince-Louis Gwagasore et la Société régionale de développement de Limbo SRDI n'a pas pu couvrir la production rizicole prévue pour la saison culturelle A. Elle n'a eu que 22 000 tonnes alors qu'elle en attendait 25 000. Et à la fin de ce journal, vous allez suivre la revue de presse. Ce journal vous est présenté par Didier Nyonzima et la mise en onde était assurée par Emmet Toussaint Mitebouzi. Vue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Dans son éditorial, le groupe de presse Iwatch revient sur les deux événements, à savoir la croisade de remerciements et Imbonerakure Day, qui ont marqué la célébration du deuxième anniversaire du CNDD-FDD et surtout du président Pierre Nkurunziza aux commandes de l'État après 2015. Les analystes ont tous crité et jugé, écrit Iwatch. Ces analystes relèvent les dimensions religieuses et politiques. En constat, ces dégâts. Lors de ces croisades, le président Nkurunziza se comporte en pasteur, sinon en prophète. Et le cadeau donné au chef de l'État lors de l'Imbonerakure Day, poursuit Iwachu, a suscité moult interprétations. On peut lire, j'ouvre les guillemets, Nyenichubahiro, Imbonerakure Tuti, Hangama Kungoma, je les ferme, qui peut se traduire comme Majesté, longue vie au trône. Au-dessus, il y a une sculpture de tambour Ingoma. De l'autre côté, en haut, cadre du parti souhaite à Nkurunziza que Dieu lui prête vie pour diriger le Burundi en 2020 et au-delà. Un message accompagné d'une effigie sur laquelle on peut lire Hangama Kungoma Ganza Sabga, pouvant signifier longue vie au trône, règne et soit imploré. Fin de citation. Le rituel et le vocabulaire monarchique sautent aux yeux, renchérit notre confrère. Selon plusieurs observateurs, poursuit Wachu, ces éléments montrent en suffisance que l'intention de Nkurunziza de rester plus longtemps au pouvoir est, on ne peut plus, exprimée depuis qu'il a entrepris de changer la constitution et de mettre au rencard l'accord d'Arusha. Le détournement de l'objet de crédit, une entorse à l'économie, titre le journal Burundi Echo. Ce détournement est l'une des causes principales des impayés qu'enregistrent les banques et les établissements financiers. 26% des crédits octroyés n'ont pas été remboursés en 2016. Une information lourde de conséquences recueillie par Burundi Echo auprès de Cyril Sigejeje, administrateur directeur général de la Banque de gestion et de financement BGF. Pour octroyer un crédit, les banques et les établissements financiers ont le devoir d'étudier tous les dossiers. C'est pour sélectionner les demandeurs les plus solvables, indique M. Sigejeje. En plus de la mauvaise foi des clients, du manque de suivi des clients financés, des catastrophes naturelles, des maladies, de la mauvaise gestion, plus de 75 milliards de francs burundais ne sont pas encore remboursés. Revue de la presse. 16 personnes sont aux arrêts au cachot de la police d'Ogatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Cette arrestation est consécutive à une embuscade tendue contre des éléments des forces de l'ordre, écrit ABP, en date du 11 août 2017 entre les 2e et 3e transversales et qui a coûté la vie à un militaire, précise une source de cette agence. Parmi les 16, 10 ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, accusés de collaborer avec des groupes armés opérant à la frontière burundo-congolaise. Deux autres ont été arrêtés en possession de fausses cartes d'identité au moment où ils allaient traverser la frontière. Bientôt, une contribution obligatoire pour les élections 2020, écrit encore une fois l'agence burundaise de presse. Réunissant les gouverneurs des provinces et administrateurs communaux en province Ngozi, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, leur a ordonné de sensibiliser toutes les couches de la population pour les amener à comprendre le bien fondé de contribuer pour les élections réussies. Le ministre Barandagiye, selon toujours ABP, a en outre fait savoir que son ministère est à l'œuvre pour fixer les modalités et les montants de ses contributions selon les catégories. Une loi spéciale précisera le montant de contribution par catégorie de la population. Celle-ci sera obligatoire pour tout citoyen, a précisé le ministre Barandagiye. L'herbe est plus verte ailleurs pour les footballeurs burundais, écrivent les blogueurs de la communauté Yaga. C'est en fait, les clubs de football burundais se vident de leurs talents, entraîneurs ou joueurs. L'insécurité et le peu de moyens étant la cause de ces départs vers d'autres pays. Résultat, le championnat national perd de sa saveur. Comment pouvons-nous être capables de nourrir nos familles, éduquer nos enfants, aspirer tout court à une vie meilleure alors que nous sommes irrégulièrement et pitoyablement rémunérés, se plaint Marc Arthur Akaza, ancien gardien de Vitalo qui vient de rejoindre le club kenyan en passant par l'Ouganda dans l'équipe de Villa Sports Club. Seule la prime de match est offerte et elle varie selon les clubs entre 15 000 francs burundais et 20 000. Les mieux offrants donnent un salaire mensuel qui varie entre 50 000 et 150 000 francs burundais aux joueurs, mais ces derniers ne bénéficient ni d'assurance maladie ni de cotisations dans la caisse sociale, révèle un président d'un club burundais à la communauté Yaga. Déjà, 7 meilleurs entraîneurs burundais ont quitté le pays. Dans son classement hebdomadaire, Aros et Ambes concerne aujourd'hui la province de Makamba. Iwachume Tahos et Elisaphane Nyokwizera, élève au lycée communal de Makamba, pour cette classé premier au concours national édition 2017 avec une note de 192,5 sur 200. En baisse se trouve Thomas Harerimana, anesthésiste à l'hôpital de Makamba, pour avoir laissé une patiente sous anesthésie afin d'aller au bistrot. Cette dernière a succombé. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Placide Niomungere. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. À la prochaine. Revue de la presse.